À mes 15 ans, premier séjour en tôle à Saint-Gilles. À cette époque-là, on mettait les mineurs de moins de 16 ans en cage pour 15 jours maximum. Pour faire plus, il fallait être dessaisi et renvoyé chez les majeurs. Ce premier séjour est gravé dans ma mémoire. J'ai pleuré. La seule fois. Faut dire que la prison, à ce moment-là, c'était pas l'hôtel. Seul dans une cellule au mur vert kaki bizarre, les meubles en bois noircis avec ça et là des traces de dentifrice, des restes d'anciens posters arrachés à la hâte, un matelas en mousse et les vêtements pénaux. Aucun droit. Les chefs, eux, rigolaient de nous et les majeurs se foutaient de notre gueule et jouaient à nous faire la leçon. Trop fort. J'écoutais pas mes profs, ni qui que ce soit d'ailleurs, et voir que des futurs moi voulaient me raisonner. Qui croyait quoi? Que la peur allait m'envahir au point d'arrêter? La peur, sachez qu'elle est mauvaise conseillère. Je ne parlais pas avec eux, et avec les agents encore moins. La seule question était, comment on fait pour avoir du tabac? Les cellules dans lesquelles on nous mettait étaient sélectionnées pour leur crasse et leur radio au mur hors d'usage. Le préau, séparé des autres, dans une cage en forme de fromage, une fois par jour. Et le culte, là, bizarrement, pouvait y aller. Pour les visites, je pouvais toujours attendre. Pour mes parents, j'étais à ma place. J'ai fait 4 ou 5 séjours avant d'arriver à Braine-le-Château. J'avais été virée de Jumet, de Wautier-Braine et de Frépont. Il n'y avait que la prison que je n'arrivais pas à me faire virer, bien que certains pénitenciers ne veulent plus moi. Mais en fin de compte, j'atterris toujours quelque part. Laurent Cartigny, la prison va me manquer. Micro ouvert. Laurent Cartigny, toi t'es présenté dans le journal à la brochure Culture et c'est dit comme ça. Laurent Cartigny a découvert l'écriture en milieu carcéral, ici devant la prison de Ittre, où il a purgé une partie de sa peine. Alors, on te décrit comme ça, 111 faits inscrits à son casier judiciaire, à 48 ans, t'as 48 ans ? Ouais, 48 ans, ouais. Laurent a passé la majorité de sa vie en prison, ce qui l'a libéré, point d'interrogation, sa rencontre avec l'écriture, le théâtre, des personnes qui ont cru en lui. Ancien criminel, il sort aujourd'hui un livre, « La prison va me manquer » aux éditions du Basson, pour comprendre ce qu'il a mené jusqu'en prison, mais aussi porter un message autour de lui. Il dit « Un jour, il sera éducateur socioculturel auprès des jeunes qui ont pris le chemin de la criminalité pour les sortir de cette route qu'il a trop bien connue. » Alors voilà, moi, ça m'a donné vraiment envie de te rencontrer, évidemment. Mais ce qu'il a libéré dans le petit article ici écrit... De qui alors c'est qui a écrit ça? Ça, c'est Zora. Ok, bah, écrit par cette femme, Zora, ce qu'il a libéré, bon, on ne peut pas dire que c'est... Que c'est ça qui t'a libéré? Non, c'est pas elle, hein. Non, j'ai déjà eu Dia, enfin, son... Non, je parle des ateliers d'écriture, hein, parce que c'est ça, ce qui l'a libéré, on dit, c'est sa rencontre avec l'écriture. Tu dirais que... C'est l'écriture qui m'a fait comprendre que j'étais un psychopathe, hein, enfin, je suis pas un psychopathe, hein, on me traite de psychotique, mais bon, je suis pas un psychopathe, j'étais traité de psychotique, mais en vérité, ça m'a mis en face de mes responsabilités, je me suis vu... comme dans les yeux de quelqu'un d'autre qui me verrait, en fait. C'est bizarre à expliquer. C'est-à-dire, c'est comme si maintenant je me sortais de mon corps et que je regardais qui j'étais. Et je m'analyserais, en fait. Et je me dis, tiens, en fait, je suis un peu un gros con, quoi. Mais pourquoi tu penses ça, que t'es un gros con? Parce que j'ai fait un tas de conneries pour que dalle. J'ai pas remporté le jackpot. Tout ce que j'ai remporté, c'est des années de prison. Je ne suis pas devenu ennemi public numéro un, si on veut. Tu aurais bien aimé? Ben, si, dans ce temps-là, oui. Dans le temps avant, j'aurais préféré que de purger 25 ans de prison, c'est sûr. Hein. Quoi, quand tu veux dire... comment t'as dit gangster numéro un? Comment t'as dit juste avant? Ennemi public numéro un. Oui, ennemi public numéro un, ça veut dire que tu fais des coups, ça marche, t'as du pognon et tu vas au soleil ailleurs. Enfin, je veux dire, on t'attrape pas, quoi. Ouais, voilà, que ça emmerde bien l'État. Surtout d'où je viens, qu'ils ont bien les nerfs. Maintenant, tout ça s'est passé avec l'âge. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que Mais t'es pas un... Enfin, moi, je trouve pas qu'il faut te regarder comme quelqu'un, un pauvre type, quoi. Ou je sais plus ce qu'on disait au tout début. Que tu te considères comme un... Ouais, un con. Parce que la question de départ, c'est vraiment ce qui t'a libéré. Et là, on dit sa rencontre avec l'écriture, ça part de là. Mais, hein. mais c'est ça, en fait. On découvre dans le livre. Je suis dysorthographique, donc même je fais des fautes d'orthographe dans le mot orthographe. Donc, c'est... Le livre, de tout ça explique en fait ce cheminement avec un peu de discours de la jeunesse. C'est romancier aussi, parce que il y a beaucoup de choses voilà, qui sont à moi, qui sont pas à moi. Il y a les gens qui... Qu'est-ce que tu veux dire qui sont à toi, qui sont pas à toi ? Il y a des faits, par exemple, on va dire que c'est quelqu'un qui m'a expliqué ou j'étais complice ou que j'ai vu ou voilà, il y a des trucs qu'on m'a... C'est aussi une sorte de petit roman, aussi, le livre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, de A à Z, croire tout ce qu'il y a dedans, hein, je veux dire. Mais la plupart, on va dire, comme je l'explique au début du livre, c'est ou une fable ou une vérité, à vous de chercher, quoi. Non, mais ça raconte quoi, alors, exactement, ce livre ? Ça raconte la violence. En fait, pour le dire, moi, je viens de l'avoir aujourd'hui, je viens de te l'acheter, c'est un là. Biopic, donc, je ne sais pas discuter du livre, mais... On va dire que c'est un biopic. On va dire que ce n'est pas vraiment une biographie, mais c'est un biopic, en fait. Et voilà, j'ai dû rajouter ou enlever des personnages, j'ai dû effacer des gens, voilà. C'est ça que je veux dire... ça veut dire que c'est pas, il y a des gens qui s'y retrouvent pas, et puis il y a des gens qui s'y trouvent, il y a des gens que j'ai enlevés de certaines histoires, des gens que j'ai voilà. Puis il y a des vérités que je lâche, et que d'ailleurs, une partie de ma famille n'ose plus, ne veut plus me parler, j'accumule de pas avant, je m'en foutais un peu. Pourquoi? Mais parce que je relate la réalité des choses qui se sont passées, et surtout parce que dans le livre, dans le découvrir, je dénonce une personne qui a abusé, d'autres personnes, mais qui est une femme, et qui, de son point de vue, à elle, c'est normal. Que c'est elle peut se permettre de faire des trucs avec des jeunes de 14 ans, tandis que nous, les hommes, on pourrait pas, on fait ça, on est en tôle, quoi. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, des vérités qui sont sorties. Voilà. Donc il y a une partie qui a décidé de plus me parler, de boycotter ma propre sœur. De toute façon, pour eux qui m'écoutent maintenant, je vais leur dire qu'ils allaient se faire foutre. Ils n'étaient pas là quand j'étais en prison, ils n'étaient pas là à ma naissance non plus. Voilà, ils ne seront pas là à mon enterrement, je ne les invite pas, je m'en fiche d'eux en fait. Ouais, de ta famille, tu veux dire des gens proches, quoi. Mais non, de cette famille-là, cette famille qui vient... C'est quelle famille ? Mais c'est une grande... C'est ta famille, quoi. C'est une grande famille, mais je n'ai pas donné des noms, je veux dire. Non, mais je n'ai pas besoin des noms, mais pour qu'on comprenne ce que tu dis, sinon on ne comprend pas. Non, j'ai une grande famille, voilà, il y a la mienne plus proche ici, puis il y a une autre famille avec les cousins, qui se font considérer de ma famille, ils sont moitié du sang... comme dans toutes les familles. Donc t'as fait une croix, il y a plus de lien. J'ai pas fait de croix sur eux, c'est eux qui font des croix sur les gens qui me connaissent, moi, pour essayer de me blesser. C'est moi, tu peux pas me blesser, moi. Qu'est-ce que tu vas me faire, en fait, plus que tu ne m'as fait. Tu n'as rien fait jamais dans ta vie pour moi. Et maintenant, tu voudrais venir essayer de me quoi ? Non, reste chez toi, tais-toi. Quand tu lui as parlé à qui tu veux parler, moi, j'ai jamais voulu rentrer en discussion avec vous, donc... Foutez-moi, voilà. Donc à 15 ans, c'est déjà la galère pour toi et tu commences déjà à faire de la tôle à 15 ans, ouais, si j'ai bien compris. Ans, ouais, ton dossier, parce que tu as été placé par un juge de la jeunesse. Ouais, une connasse, hein, on peut le dire. Hein. Parce qu'elle, vraiment, elle parle calculé que prison. Première fois que je l'ai vue, c'est direct prison. Hein. C'est même pas. C'est un juge de la jeunesse. Ouais, quoi. C'est un juge de la jeunesse. Le premier juge, lui, m'a envoyé dans les hommes encore. Mais elle, la première fois que je l'ai vue, parce que c'était une remplaçante, direct prison, pas de discussion. C'est vrai ? Ouais. Je sais que c'est comme ça que ça se passe. Hein. J'étais en guerre avec elle, même au tribunal. Hein. C'est parti en fight, au dessaisissement et tout. Je l'ai insulté. C'était la guerre dans le tribunal de la jeunesse. Hein. Ouais, et donc, dessaisissement, ça veut dire quoi pour les gens qui ne savent pas ? Ça veut dire qu'en fait, on enlève le dossier du côté mineur et on le met du côté majeur. Ça veut dire que vous êtes pénalement responsable. Donc, vous êtes émancipé à... Donc voilà, vous êtes en prison jusqu'à votre majorité, ouais, c'est ça ? Non, pas spécialement, ça dépend de la condamnation que vous recevez. Si vous prenez comme moi, j'ai pris directement 2 ans dans ma, sans discussion. À 15 ans ? Ouais, non, c'était plutôt, j'avais 16 ans à ce moment-là, quand j'étais après en prison. Parce qu'à 15 ans, j'étais à peu près 8 fois mineur en prison. Puis j'étais en Brenneux-Château, le home fermé que les gens connaissent, c'est le plus fermé de Belgique. où j'ai été éjecté parce que j'ai frappé l'éducateur. Puis j'ai été dessaisi à cause de ça, et une tentative de vol, enfin soit, on m'a envoyé en prison, où j'ai fait 4 mois de prison sec, cette fois-là, parce que d'habitude c'était 15 jours maximum. Là j'ai fait 4 mois, je suis sorti, j'étais encore mineur, j'ai recommencé, parce que j'étais ni aidé par les mineurs, ni par les majeurs, donc j'étais dans un non man's land, j'étais nulle part en fait, et puis 18 ans et un mois, je suis retourné en prison, et je suis resté jusqu'à mes 33 ans, quoi. Avec des cavales, et puis j'ai eu des nouvelles condamnations, et voilà. Mais c'est quoi qui te motivait, si t'arrives à te souvenir, c'est quoi qui te motivait à la base pour faire tous ces plans Qu'on ait la main sur moi, en fait. Qu'on me dise ce que je vais faire ou pas faire. Ou penser, surtout, t'es pas encadré, j'imagine, plus jeune, t'as pas un cadre avec des parents qui peuvent te soutenir, qui peuvent t'aider, t'as pas ça, toi. Mais non, c'est des, on est en. C'est disparate, quoi. Tu dois te débrouiller, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. On a une sale jeunesse, soit moi, mes soeurs ou mes frères, je veux dire. Mes parents, ils ont fait ce qu'ils... Comme j'ai dit l'autre fois, on n'est pas parents. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas au monde avec le mode d'emploi, père, mère, quoi. Je veux dire, Non, mais je veux dire milieu pauvre. Mais pire, milieu dire, pauvre. J'aurais pu être pire. Hein. Milieu pauvre. Ouais, milieu pauvre, oui. Mais très pauvre. Non, pas très pauvre. Pauvre, tout simplement. Il y avait quand même à c'est manger quoi. Tous les jours. Il y avait... voilà, il y avait à manger tous les jours. Après, le reste, il fallait un peu se débrouiller. Ouais, et toi, tu as décidé, enfin, si on dit... Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est un peu... T'as pas choisi, quelque part, malgré que oui, tu as choisi, tu vois, mais c'est un peu... Voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me choque, tu vois, c'est que tu fais 25 années de tôle. Ça veut dire que tu arrives à... C'est à partir de quand? Moi, je suis pas compté. T'en as 48, là, ça fait quoi? Un an que je suis sorti, là. Oui, mais non, mais t'es allé à quel âge, alors, pour faire 25 ans? Non, j'ai fait 18 ans, j'ai fait 15 ans jusqu'à mes 33 ans. Puis je suis sorti, et à 37 ans, je suis rentré en prison. Et depuis 37 ans, en fait, je suis nouveau resté jusqu'à mes 45-46 ans, en fait. Donc voilà. T'as passé ta vie en tôle? Ouais, pratiquement, ouais, avec des petits, petites sorties de un mois ou deux où j'étais en cavale. Voilà, mais ça, la liberté, c'est pas la cavale, c'est pas la liberté. Ça, les gens, il faut qu'ils oublient, surtout en prison. Les congés retournent, PS retourne, parce que en fait, à un moment donné, PS. Tu deviens un poids pour ceux que tu connais. Et en plus, tu recommences tes conneries, donc c'est un cercle qui finit plus, en fait. Ça veut dire quoi, PS? PS, c'est une permission de sortie, c'est-à-dire que tu as le droit de sortir pendant 8 heures, 12 heures, 4 heures, 6 heures, selon le rendez-vous que tu as, où tu dois aller, en fait. Et alors, la prison accorde une permission de sortie, après que ton dossier soit passé au SPS, et que ce soit analysé par la direction, que ce soit bien dans les temps, c'est-à-dire dans ton tiers conditionnel, ou dans ta deux tiers, voilà, quoi, c'est 6 mois, c'est presque un an avant. Et voilà, ça c'est la prison qui demande à la DGD. Et la DGD répond oui ou non selon la personne, selon la demande, pourquoi, l'opportunité. Fin... Ouais, c'est tout du quotidien de la prison, ouais, quoi, avec ses règles, ses acronymes et tout. Surtout, eux, ils ont tout bien le temps. De faire ce qu'ils veulent. Par contre, vous arrivez en eux, c'est... La prison. C'est... Ils ont bien le temps de faire votre dossier. C'est dans 3 mois, c'est pas grave. Dans 6 mois, c'est pas grave. Vous arrivez une heure en retard de PS. On vous supprime des PS. On vous supprime directement tout. On vous fait en strict presque. Alors que eux, par contre, ils ont bien le temps. Certains services sociaux, par exemple, je ne vais pas parler de l'autre de ITRE, qui est pour moi nickel. Pour moi, elle a été nickel en tout cas. La directrice aussi d'ailleurs, que je remercie dans mon une directrice, et même l'assistance sociale, il faut y aller. Donc, mais il y a des assistantes sociales qui sont vraiment mauvais à un point, qui on se demande ce qu'ils foutent là, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont venus prester leurs heures, les dossiers traînent, c'est remis, ils s'occupent que des petits cas ou des violeurs. C'est plus simple, un violeur c'est gentil, c'est mignon, ça revient à l'heure. Voilà! Mais t'exagères là, mais en tout cas j'entends que les assistants sociaux, t'as des planqués, quoi, c'est ça? Il y a des planqués, ouais. Surtout dans les maisons d'arrêt comme à Jamiou par exemple, où il y a des assistants sociaux, mais tout le monde la connaît. Enfin, je dirais rien de ce que je vais pas donner, si elle me met les nerfs, et j'ai les couilles basses, rien que en pensant à elle. Rien que les gens ils vont comprendre ce que je viens de dire, ceux qui sont à Jamiou, ils comprendront bien qui je parle. Et elle est vraiment, elle est nommée, donc elle s'en fout en fait. Le dossier, une semaine. Tu veux dire qu'elle manque d'humanité, ouais, de sensibilité avec les gens. De sérieux dans son travail. Je veux dire qu'elle a des papiers à rendre à une telle heure, une telle date, elle le fait pas. Ou alors, vous lui faites une demande, elle la remet trop tard. Et pour finir, vous. C'est vous qui êtes pénalisé. Pénalisé par ses erreurs, et c'est vous qui continuez à purger, en fait. Parce que cette femme n'est pas assez apte à faire son boulot. Et comme elle est nommée, elle s'en fout. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment. Il faut l'entendre, ça existe, c'est vrai. Avoir des trucs disciplinaires, justement, pour ces gens-là. Hein. Moi, je pense que tous les ans, ils devraient passer devant une commission. Hein. Quand il y a des plaintes sur une assistance sociale, une plainte sur une direction, ou un directeur, même un directeur, qui est, parce qu'il y a du travail qui se fait en prison. Le nom il m'échappe, mais commissaire de prison qu'on appelle ça, et vérifie, mais il faudrait qu'ils mettent vraiment un moyen de sanction sur ces gens-là, c'est-à-dire sur leur salaire ou je ne sais pas quoi, parce que quelqu'un qui se réinsère mal, il faut bien qu'il comprenne le public, il va faire du mal. Alors ou il se réinsère bien et on n'entend plus parler de lui et il reste tranquille, il n'y a plus de victimes, ou alors il est mal et il fait du mal. Et alors, c'est pour moi, je comprends certaines personnes qui sont en colère contre les récidivistes et disent ouais. Contre les quoi ? Les récidivistes et tout ça. Mais ils savent pas ce que c'est, en fait. Ils savent pas qu'on a été jetés à la porte de la prison comme des kleps. Alors, ils disent ouais, on l'a mérité quoi ? Et le mec, le politicard qui abuse de la confiance des votes et qui continue à trafiquer derrière votre dos, qui vous a promis ceci, cela et qui tient jamais de ses promesses. Les pétroliers et tous ces gens qui détruisent la planète et qu'on dit rien. Oui, mais il faut savoir quand même où un violeur, où on vole votre enfant, où on vole votre voiture. Et après, les condamnations sont moins pour les violeurs que pour les voleurs ou les braqueurs. Ouais, après, vraiment oui, je suis jamais intéressé à ça. Non, non, vraiment. Alors, on met toujours le même bâtard, là, qui est à Nivelles. Je ne donnerai pas son nom, mais tout le monde sait en prison de qui je veux parler. Et à cause de lui, on a changé 1000 lois. Qui sont tombés sur les gens communs, les droits communs comme nous, alors que lui, jamais il aura droit. Donc, et les gens qui sont comme lui, de toute façon, sortent toujours à l'heure et en heure et en temps. C'est parce que lui, il est connu et reconnu. De qui tu parles ? D'un mec qui a foutu la merde en 1995. Ah, ok, ok. Et je ne veux pas donner son nom. Donc, tu vois bien de qui je parle. Je ne veux pas lui faire de la pub à ce connard. Ah oui, d'accord. Avec un D. Voilà, okay. Avec un T. Un D. Ouais, voilà. Ouais. Commence par D. Ouais. Moi, je pense que le. Mais quoi, Laurent, comment tu ressors de tout ça aujourd'hui? Maintenant, t'es libéré. C'est quoi? T'es libéré pour te retrouver dans une autre prison qui est le système, quoi. Tu vois, c'est exactement ça. En fait, je dois faire aller à des formations que je. À la base, ne sont pas spécialement qui m'emballent. Je suis pas très emballé, mais j'ai. C'est une formation de quoi ? Ici, menuiserie, donc ça va, j'aime bien, mais on m'empêche. Donc l'autre fois, j'avais fait les reformations de nouveau français, maths, mais j'étais tombé malade, donc j'ai dû arrêter. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt rester dans le créatif. Les formations m'amenaient quoi ? J'ai 48 ans, on va m'amener où avec les formations ? Ici, la menuiserie, j'aimais bien, parce que justement, c'est pas fini. Je pouvais travailler le bois, faire des trucs artistiques avec le bois, tenir le bois, la matière, ça peut toujours servir. Mais pourquoi tu choisis pas des formations vraiment artistiques, en effet, où tu fais des ateliers d'écriture, ou je sais pas quoi ? Il n'y a pas que ateliers artistiques purs, ou alors il faut payer. Tandis qu'ici, là, il y a par exemple des ateliers artistiques à Avanti, où je suis, où on va faire des trucs pour le carnaval du mois prochain, là, marche, et on va faire des trucs et tout. C'est très, ça, c'est très intéressant à faire. Mais de nouveau, ici, on m'empêche d'y aller. Non. Qui t'empêche ? Ben, le CP. Parce qu'ils me bloquent. Le CPS, parce qu'ils ont les gens. Ils me bloquent mon argent. Donc, étant donné que je n'ai pas d'argent, je ne sais pas payer le bus, je ne sais pas y aller. Alors quoi ? Et après, eux, ils me disent, oui, mais je dois aller de côté pour 3 heures parler avec quelqu'un pour débloquer. On m'a tout saisi. On m'a, pour les. On appelle ça les pensions alimentaires. Ça fait 6 mois que je suis saisi. Tout. Ils prennent tout mon CP, en fait. Et maintenant, ils me donnent un droit de survie de 220 € par mois. Si je ne suis pas chez ma sœur. Pourquoi ils font ça ? C'est les impôts, c'est le sécal. CPS dit qu'ils savent rien y faire. Ils savent juste m'aider pour les 225 euros. Et voilà, et parce que j'ai raté un rendez-vous, ils me payent pas. Même ils ne me téléphonent pas pour me dire, ouais, pourquoi avoir une explication. Je veux dire, bon, là, ça va. Là, je suis quand même avec une assistante sociale qui est compréhensible. Je lui ai téléphoné, elle m'a dit, ouais, mais donc j'ai été le 7. Et voilà, maintenant, on va voir si, quand ils vont débloquer l'argent. Elle est encore compréhensible, je veux dire, mais comparée à celle de Charleroi, elle aussi, l'assistante sociale de Charleroi, quand je suis sorti de prison, là, la Zorro, là. Ouais, c'est pas facile tout ce milieu, ils sont pas du tout en lien vraiment tranquille avec toi. Oui, mais non, j'ai peut-être fait une erreur si on parle de quelqu'un. Passe-moi un peu mon téléphone, s'il te plaît, Jimmy. Non, vas-y, continue un peu, vas-y. Ok. Ce que je veux dire, c'est que t'as affaire à la machine administrative en dehors de la prison, ce n'est que ça aussi en dehors, hein, c'est le... Oui. C'est bien qu'on n'est jamais libre, hein. La liberté, c'est de ne pas avoir de contraintes pour moi. C'est ça, être libre. C'est-à-dire qu'on n'était obligé à rien. Parce que je crois que j'ai donné le nom de quelqu'un d'autre, là. Et je voudrais rectifier, parce que sinon, je serais un peu dans la mouise. Donc, celui-là, voilà. Excuse-moi. Vas-y, mais c'est une machine. De toute façon, on n'est jamais libre. T'as pas ton CPS depuis ce mois-ci, c'est ça ? Non, voilà, ici, j'ai pas touché ce mois-ci. Oui, ce mois-ci seulement. Ce mois-ci seulement. Le mois passé, j'ai encore eu des problèmes, j'ai touché plus tard parce qu'ils avaient oublié d'envoyer. Le mois d'avant, c'était encore autre chose parce qu'il fallait refaire le truc alors que c'est eux qui savent que j'ai pas. Que je suis saisi, ils me demandent à moi les papiers de saisie. Donc, c'est à chaque fois le même problème. On est déjà dans la merde et on continue à te chercher des noises. À croire qu'ils veulent que j'aille braquer la bijouterie du coin, quoi. Et alors, je dois toujours m'amuser à faire attention à tout ce que je... Je crois que c'est Madame Soucy. Ouais, c'est Madame Soucy qui a écrit l'article ici. Ah, voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est pas Zora. Zora, j'avais dit, mais Zora, c'est pas... C'est un podcast. Non, c'est une personne de qui je ne veux pas parler, en fait. Okay. Ouais, c'est bien ça. Ah, oula, il fallait me faire une grosse... Excuse-moi, Soucy, si t'écoutes. Parce que justement, lui envoie une email. C'est Madame Soucy qui a écrit l'article. Cet article-là, oui. Et le podcast, c'est qui l'a fait ? Le podcast, c'est Madame Soucy. C'est elle qui est venue. Ouais, c'est elle qui est venue. D'accord. En fait. Elle est venue pour faire le podcast, en fait. Donc, voilà, alors, excuse-moi, désolé, j'ai donné le nom de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est aussi... Et en fait, pour terminer l'histoire du CPAS, elle, c'est carrément... Elle ne voulait même pas me donner d'argent pour mes médicaments. Hein. Donc, pourquoi tu dois prendre des médicaments ? Je dois prendre de la Rilatine. Ouais, je vois, c'est une crasse. Voilà, donc si je n'ai pas, je deviens... Je pars en feu, je veux dire. Donc, d'où... voilà, je suis tombé sur une... Elle devrait faire gardienne de prison, cette femme-là. D'ailleurs, je suis parti de Charleroi exprès pour arriver à Fleurus, parce qu'il y avait une meilleure écoute. Il faut savoir que je sors de prison. J'ai déjà une formation. La femme, elle-même, elle nouveau aussi, me met des bâtons dans les roues, pas d'argent pour aller à la formation. L'argent de la formation, elle me le saisit. Je dis, mais dans quel monde Quoi, tu leur dis ça quand tu les vois, monsieur? Oui, je leur dis, mais c'est comme ça, monsieur. Et voilà, la priorité, c'est de payer la pension alimentaire. Par exemple, j'étais en prison, vous me faites rire avec votre pension alimentaire. Mais non, à cause de la pension alimentaire, je ne vois pas mes enfants parce que j'ai pas d'argent. Donc ici, heureusement, j'ai mon fils qui vient maintenant, mais parce qu'il a la volonté de me voir, mes filles aussi, mais leur mère ne donne pas d'argent, par exemple. Elle touche les pensions alimentaires, elle touche tout, les allocs, mais elle n'est pas foutue de donner 7 euros pour le train. Alors que la nourriture, ma sœur l'en prend encore en charge. Je veux dire, voilà, c'est ça, c'est des trucs qui sont illogiques. Et alors, je ne vais même pas rentrer dans le SPJ, là, parce que... Ouais, c'est ils font rien pour que... En tout cas, moi, ce que j'entends, ça a l'air bien compliqué, mais ça, moi, je le savais, que dans le social, le CPAS et toutes ces... Attends, je finis, parce que sinon, je sais... On sait que c'est... C'est la machine administrative, quoi. Ils sont peu en lien avec les gens et leur réalité, justement, du quotidien, quoi. Ils s'en foutent un peu. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Pas tous, hein. Mais non, on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est une machine. C'est une machine de guerre aussi, ça. Ouais, mais eux, ils sont là pour toucher leur salaire. c'est les prestataires que j'appelle ça, puis ceux qui font ça par, comme toi par exemple, qui font ça par vocation, qui ont envie justement de... Voilà, moi ma vocation c'est pas spécialement de me prendre la tête avec faire de la menuiserie ou faire de la soudure ou aller devenir déménageur à mon âge ou on me demande des trucs complètement insensés. Moi je préfère m'amuser à essayer de faire mon truc créatif autour de mon livre, faire les trucs de théâtre que j'ai pu faire d'ailleurs sur le grand cerveau malade, des grands cerveaux malades, j'ai un site. Je vous invite à aller voir. Les grands cerveaux malades, tout au pluriel. Malades, au pluriel. Tout au pluriel, X cerveau, parce qu'il y a certains qui s'oublient. Et alors, on tombe sur la chaîne de moi, mon neveu, Jimmy, avec qui on a installé, à qui je remets le petit bonjour. Il est morceau vraiment qui est là. Mais voilà, on a fait ça, moi et lui, pendant que j'étais en prison. Hein. On a commencé en prison. Il y a les textes, certains textes que je fais, je suis encore en prison. C'est-à-dire que quand on me voit devant le public, ça, je suis en congé. C'est-à-dire que j'ai gagné un concours d'écriture. Et là, je sors en congé pour faire mon truc. C'est tout en live. Hein. Tout, on fait tout ça. Voilà, on fait ça. J'y vais, j'y mets. Et puis, ça tourne, quoi. On commence à déguiser. J'aime pas les gens qui se déguisent. Je préfère que voilà, ce soit sec et net. Et puis, ça passe, donc ça casse, quoi. Là, il reste, dès qu'on est à 25 minutes, donc on va dire 30, ouais. Il reste encore 20 minutes, tu vois. Alors moi, je propose qu'on aborde, oui, l'idée plus alors de la culture, plus de dire, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives comme ça? Bon, en même temps, c'est la culture qui rentre en prison, c'est pas que pour toi, c'est pour tous les détenus. Toi, tu décides d'y aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ton rapport à l'écrit, t'es pas du tout à l'aise avec ça. Non, mais non. Comment ça se passe, ça, justement? Ben, ça se passe parce qu'en fait, il n'y a rien. Donc, déjà, j'étais à Jamiu, il n'y a rien de spécifique à faire. Tout ce qu'il y a de... Je l'ai fait, théâtre, slam, cours d'anglais. J'ai tout fait. J'ai fait tout pour sortir de ma cellule, alors que j'étais le servant. Mais je travaillais comme servant, mais... Dans la prison? Dans la prison, oui. Donc... Et quoi, t'es payé... 90 euros par mois pour faire installer un travail du matin jusqu'au soir. On te lève à 7 heures jusqu'à 8 heures du soir, quoi. Et eux, ils calculent leurs heures à leur manière. Hein. C'est un business de la prison, quoi. Ils gagnent bien d'argent, ils gagnent leur vie. Là. Parce que j'imagine qu'il y a plein de prisonniers qui le font, non? Parce que sinon, ils s'emmerdent. Mais surtout, ils n'ont pas d'argent. Il n'y a pas de visite. Moi, pendant des années, j'ai vu personne. Hein. Pour toi? Pour moi, pendant pour des les années. Autres. Non, pour moi, pendant 10 ans. Personne n'est venu te voir. Personne n'est venu me voir, personne n'est venu m'aider. J'ai mis de la peau, des crocos, et puis c'est devenu de l'acier, du béton, baisson armé. Je veux dire, voilà. Après, mais l'aide est venue ici dernièrement, la dernière fois que je suis sorti. Voilà, là, j'ai commencé à avoir de l'aide avec mon neveu et ma soeur Patricia, qui commencent à m'a. Qui sont ici, hein, parce que sinon, on va pas comprendre. Ouais, voilà, qui sont tous sinon, les deux là. Et voilà, s'ils ne seraient pas là, c'est nouveau, je serais encore en taule. Ouais, t'as une vie de galère, de chien, quoi, tout ouais. Seul, t'as dû te débrouiller, ça, c'est ce qu'on entend, quoi. Tout mon parcours jeunesse, ça a été ça, la rue, j'étais tout le temps en rue, je sais pas que je fuguais des hommes, et voilà, après ça a été la prison, c'était démerde-toi, trouve-toi de quoi cantiner, trouver du tabac, trouver un petit chemin. Voilà, je veux dire, c'était la débrouille. C'est ça que je trouve incroyable, parce que moi, j'ai écouté le podcast, là. Je mettrai le lien pour que les gens l'écoutent, quoi. Parce que je trouve ça super marrant. Donc, je lis l'article. Ouais. Laurent Cartini, qui a fait de la tôle. Le titre... Le lien du grand cerveau malade, ce serait bien aussi. Oui, je le mettrai aussi. Et alors, le titre, la prison va me manquer sans réfléchir. Je me dis, ouais, mais c'est quoi ce titre, quoi? Enfin, la prison va me manquer. Tu vois, c'est comme les gens qui sont enfermés tout le temps et dès qu'ils sont dehors, ils savent. Mais évidemment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Dès qu'ils sont tout le temps en tôle, après, se retrouver à l'extérieur, ben, que faire, en fait? Tu vois, ouais, parce que ouais. Tu dois gagner ta vie, tu vois ce que je veux dire? La prison, c'était un peu, on te disait comment vivre, quoi. Ouais, mais justement, c'est ça que, c'est pas, moi, c'est pas dans cette idée-là que j'ai écrit le livre. C'est pour ça qu'il faut le lire. Parce que plusieurs fois, directement, on pense à ça, en fait, aux gens qui sont restés trop longtemps enfermés et qui ont peur de l'extérieur. Il y a une maladie, je sais plus comment ils appellent ça. Je le savais, mais là, j'ai un petit trou de mémoire. Et qu'une sorte de prison, ils savent 30 ans qu'ils sont en prison, ils connaissent que la prison, ils sortent dehors, il n'y a personne qu'ils connaissent, ils ont peur de tout. En prison, ils étaient quelqu'un, dehors, ils sont personne, et ils préfèrent retourner en tôle, quoi. Oui, il y en a, mais moi, c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là que je suis parti, moi. C'est dans un autre sens. Oui, c'est non, c'est pas que le titre, c'est le titre de ton livre, hein, c'est ça. Ouais. Hein, c'est moi, je suis parti dans un autre sens, et pour ça il faut découvrir en lisant le livre, quoi. Oui, quand tu dis je suis parti, parce que des fois on se comprend pas juste. Avec... Oui, quand tu dis je suis parti, c'est que tu veux dire je suis parti sur l'idée. La prison va me manquer. C'est pas sur l'idée que tu viens d'expliquer. Non, c'est une idée que j'ai eue quand j'étais dehors. Enfin, j'explique dans le livre. Ok. Mais du coup, moi, je vois tout ça, je me dis Laurent Cartini, à mon avis, tu vois, moi je pars sur cette idée, ben la prison l'a cassée, quoi. Et puis j'écoute le podcast. Et alors, ce qui est super drôle quand j'écoute le podcast, c'est qu'en effet, le cliché, il est là. Je me dis, d'office, Laurent Cartini, il vient d'un milieu où c'est difficile, il n'a pas de famille, c'est compliqué. En effet, tu vois, je n'ai pas eu le choc de me dire, waouh, c'est un type, carrément, il sort un peu des sentiers battus. Ben non, non. Tu viens de la misère, même si tu disais que tu mangeais tous les jours. Mais la misère affective aussi, quoi, c'est ça. La misère affective, ouais, c'est ça. Ça. Et du coup, j'écoute le podcast et c'est super drôle parce que celle, la dame qui t'interview, on entend vraiment le décalage entre son univers à elle et le tien, même dans l'oralité, quoi. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr, je comprends. Ouais. Et j'écoute le truc comme ça, tu racontes des histoires sur ta famille, et puis à un moment donné, j'ai trouvé ça génial, quoi. On mettra le lien du podcast. J'ai trouvé ça génial parce que ça s'envole à un moment donné parce que tu parles de Nietzsche. Ton rapport à la lecture, les livres et tout, je me dis, ah, trop génial, quoi. Ouais, tu peux expliquer un petit peu ça? En fait, quand j'ai commencé à écrire, qu'on m'a dit que j'avais un certain talent pour l'écriture, quand j'ai fait des petits poèmes, quoi, je me suis dit, si je veux commencer à écrire, je ne vais pas écrire comme les autres. Donc déjà de un. Ouais, tu t'es dit ça vraiment consciemment? Oui, je ne veux pas écrire comme les autres. Donc de deux, et aussi pour m'instruire des autres grands écrivains. On va là où sont les meilleurs. Donc les grands écrivains, ils sont morts. Donc tu lisais qui, quoi, quoi. C'est quoi ton premier livre que tu as lu Il y a longtemps, c'était où je suis rentré sérieusement dedans, c'est Le Monde de Sophie. Je veux dire, c'est un livre de philosophie où on apprend la philosophie à travers un personnage de 15 ans qui va avoir son anniversaire. Enfin, soit je vais pas expliquer le livre. Ouais. Et ça avait déjà ouvert ma pensée à autre chose. Mais comme j'étais encore trop jeune, peut-être trop fou et toujours en mode guerre, j'ai laissé de côté. Et là, quand je suis arrivé et que j'ai recommencé à écrire, qu'on m'a dit qu'il y avait quelque chose. Quand tu es arrivé aux ateliers d'écriture. Et qu'on m'a dit qu'en ressortant que je lisais, que ça avait quelque chose de fort, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer, quoi. Mais je veux m'améliorer, parce que si c'est pour faire quelque chose, je ne veux pas que ce soit mauvais. Je ne veux pas que ce soit non plus meilleur du monde, mais mauvais, non. Donc, j'ai commencé à lire toutes sortes de livres, dont Nietzsche, Spinoza. Ah ouais. L'éthique de Spinoza, Leuze, j'ai lu. Pourquoi tu pigeais? Bien sûr. Parce que c'est quand même. C'est simple en fait. Hein. C'est parce que les gens se font une idée complexe de Nietzsche, mais en vérité, quand tu commences à lire Nietzsche, hein, Jimmy? Quand tu lis ça, c'est... Tu l'as lu aussi toi, ouais, Jimmy? Je l'ai initié un peu à. Ça dépend ce qu'on lit, quoi. Parce que moi, j'ai lu Quand parlait Zarathoustra de Nietzsche. Il est compliqué, mais... Des fois, c'est complexe. Ouais. Mais oui, mais c'est peut-être... je sais pas. C'est chouette. Et du coup, quoi, tu lis, comme ça, des philosophes. Ouais. Et puis quoi La philosophie, il y en a beaucoup à lire. Hein. Donc... Un paquet. Hein. J'ai lu aussi des livres sur la psychologie. Après, j'ai commencé à lire sur les existentialismes. J'ai commencé ma psychologue m'amenait parce qu'elle a vu la différence, que j'avais arrêté la drogue grâce à l'écriture, parce que quand j'étais stone, j'écrivais, ça n'avait plus rien à voir le lendemain, donc je me demandais ce que j'avais foutu là. Donc j'ai commencé à arrêter la drogue grâce à ça, grâce à moi, à l'écriture. Et puis. Non mais vraiment? Oui, vraiment. Mais tu prenais quoi comme drogue? Tout, j'ai tout pris. Donc tout ce qui tombait sur la main, je suis. Non mais sérieusement, Laurent, t'as arrêté la drogue avec les bouquins? Oui, avec les bouquins, oui, avec l'écriture. Ouais. C'est dingue ça. Et l'écriture, simplement. Et tout simplement, je sais pas simplement, mais voilà, il y a eu un ras-le-bol à un moment donné. Et puis voilà, j'ai commencé à vraiment mettre... Moi, un psychologue qui me suit depuis 14 ans, elle a vu le changement. Elle a commencé à m'apporter aussi des livres qui aillent dans ce que je suis. Donc, TDHA. Et elle a commencé à me sortir, l'intelligence peut vous rendre malheureux, ou des trucs, des livres comme ça, quoi. Et puis voilà, j'ai lu... Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça veut dire que tu lis des auteurs, des autrices peut-être, oui, et tu te dis quoi en lisant? Tu te dis ça ouvre un univers que tu connaissais pas du voilà, tout. Voilà, exactement, en fait. Et en plus, ça me rend dans... Et puis ça me fait rire. Et puis souvent, par exemple, dans Nietzsche, je lis et j'y mets tout à fait raison, en fait. Et il y a deux siècles passés, il a raison, en fait. Il y a des philosophes de 300 ans avant Jésus-Christ, ils avaient raison, quoi, bordel. Et on n'a pas avancé d'un pouce, quoi. À part qu'on a des technologies, des GSM, des broles, ou sinon l'intelligence humaine, elle n'a pas beaucoup évolué, quoi. À part une ou deux étincelles qui sont venues, comme Bill Gates, inventer des trucs d'ordinateur, ou... voilà, je veux dire, sinon, l'intelligence humaine, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être intelligent? C'est ça la question aussi. Moi, de toute façon, comme pour revenir à ta question de la culture, donc j'ai commencé à lire, ce soit Nietzsche, j'ai lu Baudelaire, Les Fleurs du Mal, j'ai lu Rimbaud, pour aller les poèmes, j'ai commencé des anciens textes, voilà, La Fontaine, j'étais dans les livres après, j'étais que dans les livres en fait. Mais combien de temps du coup alors? Pendant un an et demi, deux ans avant que je sorte. Ouais, ça a été vraiment... Je me suis enfermé en cellule et de ma propre initiative, je me suis mis en strict. C'est-à-dire que j'allais plus au préau, j'allais à aucune activité. De temps en temps, le body, mais c'était rare, mais j'y allais de temps en temps quand j'avais envie d'y aller. Sinon, je travaillais à la bibliothèque un petit peu. Mais sinon, c'était livre et écrire. Donc, et là, j'ai écrit le livre grâce à l'écrivaine qui travaillait à Jamiou. Oui, c'est ça, c'est des gens qui viennent amener la culture à la prison. Livres pour ouvrir justement ma façon d'écrire, pour comment aborder un livre. Je ne suis pas passé par les cours universitaires. Non, je suis parti directement de rien. Et j'ai mis. C'est comme un live, en fait, le livre. Après, j'ai décidé de le laisser comme ça. Je n'ai pas trop repris, parce que plus je m'améliorais naturellement, puisque j'avais plus de matière, plus... Mais je me dis, je vais quand même rester dans le fait qu'il faut que ça monte dans le livre aussi, que les personnes grandissent un peu avec ma façon d'écrire. Et pour ça, au début, il n'y a pas trop de poèmes, puis les poèmes viennent, puis il y a les diatribes qui arrivent, je mets aussi des aphorismes, et puis j'ajoute, et puis je continue, et à la fin, je fais plusieurs textes de slam, où on peut retrouver sa chaîne YouTube, d'ailleurs. Voilà, donc la culture est arrivée, tout simplement, et puis... Mais tu la connaissais avant, je suppose que... Oui, non, mais c'était quoi ta culture? Non, oui, mais je veux dire, il y a sa culture, enfin, c'est un... C'était quoi avant les livres? Mais avant les livres, je lisais quand j'avais pas de télé. Ça veut dire SAS, SAS, c'est avec Malcolm Vince, je ne sais plus comment le titre de l'écrivain SAS. Ça, elle dit, c'est des livres. SOS? SAS. C'est connu hein, pourtant, comme livre d'espionnage, comme ça, un peu un mélange entre l'espionnage, facile à lire, des SAS, OSS 117, c'est toujours dans le même style. Lisais ça, quoi. Ben, voilà, tous des livres, des fois je lisais des livres sur l'histoire, des fois j'y vais sur, parce que j'aime bien Napoléon, par exemple, je lisais sur Napoléon... C'est un enfoiré. Ouais, mais on est quand même encore sur le code civil. Encore un type de là-haut. Mais comparé à Hitler, je préfère Napoléon. Oh, attends, là. Comparé à Zidane, je préfère Napoléon quand même. Hein. Parce que alors, si on parle de dictateur, vas-y, comme disait le Justice Khan, tant tu tues 10 personnes, t'es un meurtrier, tant tu tues des millions, tu deviens conquérant. Faut arrêter, quoi. Donc, c'est pas nous qui avons décidé, hein. C'est les moutons qui décident de suivre qui ou quoi. Hein. D'ailleurs, j'ai une phrase pour ça. Hein. Oui, mais ils font tout pour qu'ils te suivent, tu vois ce que je veux dire à la base. Mais bien sûr, jusque dans les journaux, jusque. Voilà. Et c'est ça qui a jamais collé, moi, avec en fait, l'Institut des Institutions, parce que pour moi, je suis de ce côté-là. Ça veut dire quoi? Parce qu'on le voit pas. J'ai horreur de la connerie, en fait. C'est-à-dire que la connerie m'exerbe à un point où... Mais t'es d'accord que c'est très subjectif, la connerie. Oui, oui, mais... Ma connerie n'est pas forcément... La connerie claire et nette, quoi. Hein, comme quoi un politicien avec la loi, ou parce qu'il y a certains ceci, ils te mettent une loi éco, et après ils te l'enlèvent parce qu'il y a ceux-là qui gueulent, puis t'as l'autre qui gueule, et puis ça, c'est des trucs de connerie, ça, pour moi. La connerie, c'est le type qui vient, qui saute, et tape un clou dans ses parties pour juste un pari, quoi. Juste un pari. Oui, ça, je trouve ça... Mais pourquoi tu racontes ça? Parce que c'est... C'est arrivé. C'est arrivé. Ça arrive à quelqu'un que je connais, quoi. Mais non, mais non. Si, mais si. Il a fait ça pour un pari, quoi. Je trouve ça une connerie, moi. Voilà, je veux dire. Et la connerie, c'est le mec qui vient t'énerver, alors que si tu lui mets une tarte, il va se retrouver de l'autre côté des escaliers où il va prendre l'air avec un courant d'air, quoi. Je veux dire... Il y a des moments, je ne sais pas, même ce que moi j'ai fait dans ma vie, les conneries que j'ai pu commettre, je veux dire, les vols, les agressions sans réfléchir, les braquages, et vas-y, la banque est là, et vas-y qu'on y va, et qu'on ne calcule pas. Et ce que je t'ai entendu aussi dire, et que je trouve incroyable quand même, parce qu'il y a une conscientisation, et c'est vrai, que tu disais avant, tu n'avais pas les mots. Oui, exactement. Et à force de bouquiner, de lire peut-être, d'aller aux ateliers d'écriture. Ça donne une force devant justement les gens pseudo-diplômés, comme les agents. Moi, ils évitaient de parler avec moi, hein, parce que moi, je les remettais directement dans leur sac. Rien qu'avec le phrasé, ils ne savaient plus où se remettre, quoi. Ils étaient, vas-y, je vais te mettre un exposant X avec un inconnu, tu n'es même pas foutu de le faire. Oui, quand on n'a pas les mots, enfin moi je comprends ce que tu veux dire très bien. Quand t'as pas les mots, que tu sais pas casser la personne, il y a des gens, ils les cassent. Physiquement, ce que je faisais avant. Hein. J'ai à la place de répondre, en trouvant quelque chose de bien salé, je m'énervais direct, je cassais quelque chose, ou voilà, je fracassais la tête. Quoi. Ouais, ou tu tapais sur la personne. Voilà, hein. Par exemple, dans le livre, il y a une hygiène, je mets une démonstration. Et puis j'ai écrit sur la personne. Et maintenant, cette personne, elle va savoir, parce qu'elle va voir le livre, c'est une chienne. Une chienne. Une agente, excusez-moi pour le... Je voulais dire une chef, mais une petite gourée. Si tu veux, exceptionnellement, parce que normalement... Non, tu peux laisser, non, on a dit qu'on laissait. Okay. On laisse. Surtout, je m'en fous, de toute façon, la May, elle a de la chance qu'elle ne m'a pas connu 2 ans avant, parce qu'elle s'aurait bouffé tout le service 3 pièces. Parce qu'il y a des agents, je les ai mis à terre, j'ai été au cachot, je me suis battu je ne sais pas combien de fois avec des agents, enchaînés au cachot, à prendre des coups, à foutre le feu dans ma cellule. Mais il faut lire le livre. Et j'ai une question à te poser. On dit qu'il y a plein d'Arabes et de Noirs en prison. Alors, petite précision, là maintenant, on dirait que je dis que les Noirs et les Arabes, enfin, c'est pas ce que je dis, mais ça laisserait supposer que je dis que les Noirs et les Arabes sont plus en prison parce que, tu sais, genre, ils auraient ça dans le sang, quoi. Ils ont une mauvaise graine, la graine... du sang, là, tu vois. Mais non, en fait, c'est pas ça que je dis du tout. Hein. C'est que parce que... enfin, c'est en lien avec une discussion, un micro ouvert, en fait, précisément, que j'avais eu avec Nordine Saïdi, qui fait partie de Bruxelles Panther, et qui disait « Pourquoi nous sommes les plus nombreux dans les prisons alors que l'on est une minorité dans ce pays? Pourquoi ce sont les Noirs et les Arabes majoritaires au chômage ?» Des études ont été faites sérieuses qui constatent que les Noirs et les Arabes ont 20 fois plus de risques de se faire contrôler par la police. Ce que l'on ne sait pas démontrer, c'est qu'est-ce qui serait arrivé s'ils n'étaient pas Noirs ou Arabes. Voilà, j'avais envie de dire ça. Et aussi qu'en dessous de blancs comme Laurent, avec une vie de violence, de galère, de vadrouille, de... Enfin voilà, de misère affective et sociale là, en dessous de lui, il y a encore pire quoi. Ce sont les Noirs et les Arabes. Comme des Albanais, comme des Italiens. Oui, mais que c'est la majorité. La majorité qui se trouve en prison, c'est pas des grands. La majorité qu'on voit, c'est-à-dire ceux qui sont dans le préau, pas ceux qui sont dans les cellules. Il y a beaucoup de Belges qui n'osent pas sortir au préau. Ils ont peur de se faire inquiéter, ils ont peur de se faire agresser ou voilà quoi. Mais il n'y a pas plus. Il paraît qu'il y a plein de de petits malfrats, on va dire, un peu comme toi. C'est-à-dire, c'est pas des grands bandits. Petit malfrat. En prison, j'étais pas un petit malfrat. J'étais quand même, j'avais quand même un certain, j'étais quand même un niveau au-dessus des petits malfrats, justement. Oui, mais c'est j'étais ça. Pas en haut, mais j'étais pas en bas. C'est-à-dire qu'on te met en tôle parce que t'as volé, parce que, mais c'est pas des grands faits, quoi. La majorité des gens en tôle, il paraît. Des vols pour la drogue ou. Voilà, ils ont été agressés ceci, ou ils ont tapé une personne, voilà, ils ont volé une voiture, ils font des bêtes conneries, ou la drogue, parce que la plupart c'est la drogue, ils sont en taule parce qu'ils se droguent. Mais je vois pas qu'on les met en prison. C'est, c'est incroyable ça, c'est vrai vraiment. Mais tu les mets avec les dealers, et à peine qu'ils rentrent, ça c'est vrai, n'importe qui rentrera en prison, le lendemain matin, le préau, il y a quelqu'un qui va te demander si tu veux quelque chose. Si tu veux du spin, de la cam, de la coke, ou une bille, ou... Direct. Les dealers sont avec les on met les clients avec les dealers. Et en plus, pour les camés, par exemple, on donne la méthadone en attendant qu'ils sortent. Et une fois qu'ils sortent, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils recommencent. Et ils disent, ouais, mais c'est pour pas que... Pourquoi pas que quoi? Tu diminues, t'arrêtes. Là, tu entretiens son vice. Donc, non, ça veut dire que tu sais très bien que... Voilà. Et en plus, ça les aide parce que les gens endormis, ça les... C'est moins de travail hein, pour les agents, pour tout le monde. Les détenus qui sont la tête sur la table, en train de fumer ou quoi, et puis la prison est calme, tout le monde y gagne, tout le monde est tranquille. Voilà. De temps en temps, ils arrêtent un, de temps en temps, ils arrêtent un autre, mais sinon, la plupart du temps, voilà. Ouais, c'est pas spécialement... Il n'y a pas plus de blacks que de marocains, que de belges, je veux dire, quand on calcule dans la prison. Alors, c'est... Aux États-Unis? Ouais, aux États-Unis. Ouais, là, je pense qu'on est. C'est un monde à part. Moi, je ne veux pas aller en prison aux États-Unis. Hein. Pourquoi? Quand je vois les prisons, les reportages, tu as toutes des vitres ouvertes. Des fois, je montre. Tu as des vitres ouvertes, tu n'as pas de 24 heures sur 24 allumées. Tout le monde te voit quand tu vas chier. Je ne sais pas, dans certaines prisons, c'est tout vitré. Pour des faits banals? Mais pour des gens qui rentrent en attendant leur tribunal, hein. Donc, c'est encore des innocents, des fois. Donc, ils sont là dans les maisons d'arrêt. Ils sont traités comme la pire. Mais alors, des fois, peut-être qu'ils sont innocents. Combien de cas? Il y a encore eu, il n'y a pas longtemps, un type qui vient de se faire libérer. Et après 32 ans, ils ont découvert que ce n'était pas lui. 32 ans, bon sang. Ta vie est foutue, quoi. Et qu'il va faire Et en plus, rentrer innocent, faire une peine de prison innocent. Je ne sais pas qu'est-ce que ça doit faire à ces personnes-là. Mais je les encourage. Voilà, quoi. Il y en a qui sont morts comme ça en prison. Hein. Il y a l'affaire du trop. Pas du trou, du trop. En France. Le type qui s'est suicidé dans sa cellule. Voilà quoi. Ça parce qu'une grosse connasse a accusé ces gens qui n'avaient alors strictement rien fait. Je connais pas l'histoire. Ils se sont retrouvés toute une ribambelle en prison. Les huissiers, le médecin, le voisin. Ils ont envoyé tout le monde en taule à cause d'un juge d'instruction pendant 2-3 ans. Et avant d'être prouvé que la moitié tous... On les accusait de quoi? De pédophilie, d'attouchement, de viol, de trucs satanistes. Mais ils en ajoutaient de plus en plus. La femme en ajoutait de plus en plus. Et les enfants suivaient les déclarations de la mère, en fait. Qui était faux. Qui était faux, voilà. Mais comment c'est possible, ça? Ben ça, aller demander ça au juge... C'est dingue, hein. Voilà, des histoires pareilles, c'est pire que tout. Donc les innocents qui sont en prison... Il ne devrait pas en avoir, en fait. Hein? Bon, on arrive à la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur tout ça, de profiter que le micro est là? Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi? Je veux dire, si ceux qui peuvent entendre en prison, c'est que, voilà, on se tait, on purge, on sort. Ce qui est le plus important, parce que quand tu rentres en prison, il ne faut pas oublier que tu rentres avec ta famille aussi en prison. Ta famille, pas tout le monde, parce que certains n'ont pas de famille. Oui, mais comme toi, t'en as. Oui, j'en avais, mais quand je suis rentré en prison, c'est un peu fait comme c'était normal. Moi, je suis rentré en prison. C'est pas que. On s'y attendait, c'est pas que c'est écrit dans le marbre. Quand j'ai commencé à 8 ans à voler, mais les gens qui sont plus âgés ou quoi, les plus jeunes, 19 ans, 20 ans, 21 ans, et s'ils ont une famille, s'ils ont quelque chose, qu'ils réfléchissent à deux fois avant de faire quelque chose, parce qu'ils amènent tout le monde avec en prison. Donc, oui, mais j'imagine, Laurent, je veux dire, les gens, je parle, les gens qui font des vols et des choses comme ça, bon, C'est un peu la vie, j'excuse pas, tu vois, mais je veux dire, c'est prouvé que quand tu habites dans un endroit pauvre, que tu as une vie affective pauvre, que, que d'office, tu seras plus sur les chemins des vols et compagnie, quoi. Les gens plus loin, ceux-là, ils passeront par là où ils passeront, ils ne comprendront pas ce que je dis. C'est quand tu as 19, 20 ans, 21 ou 22 ans, commence à comprendre ce que ça veut dire, les relations sociales et familiales. C'est-à-dire que c'est ta petite amie enceinte pour aller voler, trouver l'excuse de dire que c'est pour le bébé et que tu n'es pas là pour l'accouchement. Je veux dire, réfléchis à deux fois avant de faire ça. Je veux dire, les gens qui sont en prison maintenant, les jeunes qui rentrent à 19, 20 ans, ils sont souvent tentés de ne pas rentrer de congé de PS, qui rentrent, qui se taisent, qui sortent le plus vite possible. La prison, ce n'est pas une vie, c'est pas... Et la cavale ne dure jamais. Et la cavale, c'est de la merde, en fait. Parce qu'en cavale, tu as toujours des yeux dans le dos... Mais comment sortir de tout ce bazar, alors? Mais justement, prendre des livres, essayer de sortir du carcan qui ouais, mais ceux qui vivent, ceux qui vivent de leur art, il y en a pas, c'est pas la majorité des gens non plus, hein. Mais non, ben moi j'en vis pas encore, hein, donc j'aimerais bien, parce que le jour où je vivrai de mon art, déjà on va me retirer tout mon argent. Faudrait déjà que je paye toutes mes... De quel argent tu parles? Les parties civiles de mon la sécale. Déjà, ce que j'aurais remboursé déjà ça, là, ici, j'ai... T'es au CPS, toi, ouais, Laurent? Je suis au CPS, pour l'instant. T'as pas plein d'argent? Mais non, j'ai pas plein d'argent. Mais justement, en plus, je vis avec des bouts de ficelle. Je suis pas reparti dans un casse. Non, ben, je bouge pas. S'il faut pas bouger, ben, je bouge pas. Je fais attention. Je préfère ça que de retourner en prison, je veux dire. Pourquoi tu rêves que ton écriture... Les livres et tout, ça prend... Ça m'amène à pouvoir aller voir des jeunes délinquants, par exemple, fermer, voilà, les criminels délinquants, voilà. Ça, c'est ça que j'aimerais bien faire, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire, essayer pour la culture, leur enseigner la culture, ou essayer d'enseigner les assistants sociaux qui vont là-bas, pour pas avoir affaire avec le jeune et qui termine comme moi. Et voilà, quoi. Tout ce que je souhaite... C'est que le moins de gens rentrent en prison, voilà, quoi. Et le plus, en sortent le plus vite possible, avec quelque chose dans la tête que rien dedans, quoi. À pas se perdre son temps à regarder la télé H24, prendre un livre, voilà, quoi. Prendre une pause, je sais pas, moi c'est... Non, mais je comprends, on essaye de trouver des voies de sortie, quoi, voilà. Mais c'est pas si évident et facile, quoi. Rien n'est facile dans la vie, hein, ça c'est sûr, mais maintenant, une fois que c'est dit, on fait quoi? On sait ça. Maintenant que quoi? On y va. Qu'est-ce que tu dis? Rien n'est facile dans la vie, mais oui, on le sait. Mais alors, on fait quoi? On se laisse aller ou on prend. Ouais, on fait rien, quoi. On se lève ses bras et on se bouge pour justement oui, mais changer ça. J'entends bien ce que tu dis. Moi, ça me parle, mais. Et je comprends qu'il faut bien trouver un sens à sa vie, d'aller parler aux jeunes pour pas qu'ils soient en taule, si tatati tata. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est aller même aux politiques, plus haut. Tu vois, c'est eux qui créent la misère, c'est eux ça, qui créent politique. Les conflits. Alors là, ça me parle, moi. Mais c'est justement ça, c'est à eux que c'est adressé, hein, quand je parle. Hein. Mais non, là, tu parles quand même des jeunes qui t'aimerais bien qu'ils fassent pas de la gueule. Ouais, je comprends. Parce que tu me dis la fin, on est en fin, donc je te dis les jeunes. Mais tout ça, si un politique écoute, il doit bien comprendre que. Bah, il s'en fout, le politique aussi. Sinon, les choses iraient beaucoup mieux. Hein. Ah, les choses évolueraient. Je veux dire, avant que tu sortes, donc 25 ans de tôle, tu vois bien, tu ressors aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. C'est la même chose. Et même pire aujourd'hui, parce qu'on est, on est tous dépolitisés. C'est-à-dire qu'on est tous devenus des atomes comme ça, tout seuls. Tu vois, on est moins en lien. On forme moins des collectifs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est tous sur notre petit téléphone, là. Et on a mis l'ami, comme disait l'autre, et quand t'as besoin de quelqu'un pour déménager, il n'y a personne qui vient, quoi. Donc, non, ouais, ça, les réseaux sociaux et compagnie, ça a détruit beaucoup de choses, hein. Bon, je crois ça, que... J'imagine bien, tout ça est complexe. Mais bon. Mais moi, je viens d'avoir ton livre, là, et je suis impatiente de le lire. Ben, je suis bien content, hein. Mais tu vas voir, et tu comprendras. Si tu... Okay, parce que okay. Je suis, moi, des fois, un peu, je pars à droite, à gauche, puis je reviens, t'as remarqué. C'est ça, c'est compliqué, mais le livre, il est facile à lire. vraiment facile à lire. Il est pas, j'ai pas commencé à partir dans mes idées comme un fou. Il est facile à lire. Et puis, si quelqu'un peut sortir quelque chose pour que ça peut l'aider, une phrase ou quoi, qui le motive à faire autre chose, qu'il y ait de la criminalité ou quoi que ce soit, voilà quoi, tant mieux. Merci Laurent. Merci à vous d'être déplacé jusqu'ici, en plus d'avoir fait l'effort. C'est très gentil à vous de m'avoir écouté. Voilà, merci pour le livre aussi. On mettra tous les liens, comme ça les gens pourront les checker, voir le podcast, le lien pour le livre. C'est 17 balles. Ouais, 17 balles, ouais, c'est que dalle, quoi. Voilà. C'est que dalle. J'espère, voilà, que... Mais... Tu dis que c'est que dalle, ça dépend à quel... Oui, ça dépend où t'en es, voilà, où t'en es. Bon, parce que 17 balles pour mettre dans un livre quand tu finis pas ton mois, c'est sûr. Mais les gens de la culture justement qui s'intéressent à ton livre, je trouve, parce qu'en plus c'est tiré d'ateliers d'écriture menés en prison. Enfin voilà, les textes sont tirés des ateliers de la prison. Il y en a certains, je parle de l'organisation aussi, tu vois, des gens. Sinon, c'est moi tout seul en cellule, et avec l'écrivaine. Et j'explique dans le livre comment il se construit le livre, en fait. J'invite les gens à rentrer dans ma cellule. D'accord. Merci Laurent. Merci à toi.